Voici l'histoire du poussin. Dans un lointain poulailler, sur une colline d'Écosse, toute verdoyante d'herbes hautes, oh, que l'herbe est haute et verte, une poule pondit un œuf. Un poussin en sortit jaune de son plumage, avec des pieds palmés et de toutes petites ailes. Le jour suivant sa naissance, Poussin regarda le ciel et vit toute une escadrille de canards manchots en formation delta volant vers les grandes mares au sud du royaume poulailler. Poussin, intrigué, voulut voler. Dès lors, il se mit en route en direction du verger qui bordait un petit lac nommé Mer Méditerranée. Les falaises de l'Himalaya devant lui, Poussin prit ses palmes à son plumage, coura aussi vite que possible pour prendre son élan et sauta. Malheureusement, la tête la première, il chuta dans une bouteille en dérive de whisky. Poussin, désespéré, Je suis blessé. Et éméché. Je suis éméché. Remonta la gouttière pour revenir sur le verger. C'est alors qu'il s'écuicuilla. C'est quoi? Quoi? J'ai le droit d'inventer des mots, non? Cui. Qui veut dire? Je sais pas. Eureka en cuicuillet. La solution était devant lui. Il suffisait de monter à une branche d'un pommier. Mais... We'll be right back. c'est le poussin aussi. Le poussin, il est mort, c'est dommage pour lui. Hey! Quand la pomme est tombée, le poussin l'a vu. Il a pas pu l'éviter, il avait trop bu. Hey! Hey, hey! À refaire.